chatte avec plan B. Des poteaux, j'en ai mis, ça se débrouille, ça veut la maille. En détail, au charbon, sur le terrain, tout le monde te chante. Je sais pas si j'ai niqué plus d'un quand j'appuie sur le buzzer. Et je suis buzzer. J'en ai marre de toutes ces merdes dans mon visa. Putain, t'es dans la demeure, garde à vie, gars. Maintenant, on est dans le domaine, on est tout clean. Clean, je tape partout comme clean. J'ai la vision perso et je m'en fiche de ton avis, perso. Et je suis perso, je marche comme dedans, perso. Jamais franc